Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nos écrans.com pour le troisième épisode de Sur nos écrans. Ce soir, nous allons revenir sur l'actu ciné, l'actu télé de toutes les adaptations de comics, que ce soit sur grand ou petit écran donc. Et puis le débrief de la semaine sera consacré enfin à The Walking Dead. Après plusieurs mois sans en parler, on va revenir sur la fin de la première partie de la saison et puis sur l'épisode 9 qui marquait le retour de la série après sa trêve hivernale. Programme assez chargé, donc nous allons commencer dès maintenant. Je suis Mathieu et vous allez écouter le troisième épisode de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne, and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos, rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. The dead will disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Avec moi ce soir, Elodie. Bonsoir. Et Arnaud. Salut. Alors, petite précision au cas où on se retrouve dans la même situation que la semaine dernière, nous sommes le dimanche 15 février. Voici la date donc de l'enregistrement. Donc, si jamais certaines news tombaient dans la semaine et ne seraient pas dans l'émission, ne soyez pas surpris. Nous ne serons pas tous les jours se refaire des enregistrements en milieu de semaine. Allez, on commence avec les actus ciné donc. Et on va commencer avec le film peut-être le plus attendu de l'année, Arnaud. Bah, bien sûr, c'est Avengers Age of Ultron, pas Fantastic Four, qui, selon plusieurs sources, durerait 2h40, donc 20 minutes bonus par rapport au premier film, ce qui est pas négligeable. Et donc, pour rappel, le film sortira le 22 avril 2015. Globalement, on se dirige quand même vers des films de plus en plus longs. Et c'est pas plus mal, hein, parce que... S'ils sont durs. Oui, c'est ça. Mais parfois, c'était trop rapide pour certaines intrigues. Oui, parfois, ça peut être frustrant, c'est vrai. Mais là, 2h40, on touche quand même à quelque chose d'assez long. Il y a beaucoup de choses à mettre en place pour la suite. Et un autre film qui est au programme, alors pas pour cette année, cette fois, pour plus tard, il s'agit de The Wolverine numéro 2. Il se pourrait que le Professeur X soit de la partie dans ce film. Il se pourrait, hein, puisque c'est d'après les propos de celui qui joue le Professeur X, donc Patrick Stewart, qui nous dit que voilà, il serait peut-être dans The Wolverine 2. Pour avoir la réponse, il faudra attendre un petit peu, puisque le film n'est prévu pour le moment que le 3 mars 2017. Bah, j'espère qu'il sera pas à l'image du dernier Wolverine. Ou du premier. Qui était pourtant mieux que le premier, ouais. C'est ce que j'avais envie de dire. Ah bon? Ah non, moi j'ai préféré largement le premier. Origins? Ah oui. Ah, c'est toi alors qui l'as aimé? D'accord. Ah ouais, et puis même j'ai trouvé très sympathique alors que le deuxième, je me suis fait chier à mourir. Ok, bon. Et d'ailleurs, il était apparu dans le deuxième. Professeur X, ouais, il était arrivé. Bah là. Il y avait une scène qui a servi à introduire Days of Future Past. Un autre film dans l'univers mutant, Arnaud? Un film qui est très attendu aussi, c'est Deadpool, qui vient juste de démarrer sa pré-production. Et donc, on a appris par l'occasion qu'il y avait plein d'acteurs qui allaient rejoindre le film, dont Gina Carano, qui est une mannequin qui sera bientôt au cinéma avec Bruce Willis dans Extinction. Et là, dans le film, elle jouera Angel Dust. Il y a un autre acteur aussi qu'on a vu dans la série Silicon Valley, T.J. Miller, dont on ne connaît pas le rôle, mais il a été annoncé qu'il servira de ressort comique. Elodie, on va passer du côté de chez DC Warner maintenant, et tu vas nous parler de Suicide Squad. En effet, Joel Kinnaman, donc vu dans l'excellente série The Killing US, ou dans le très mauvais Robocop, hein, au choix pour les références, serait en bonne position donc pour jouer Rick Flagg à la place de Tom Hardy. Et on croise les doigts, parce que ce serait sympa de revoir l'acteur. Alors, a priori, on aura la réponse très vite. Il me semble que j'ai vu passer quelque chose en ce sens où, voilà, genre, d'ici la fin du mois, on sera fixé sur le remplaçant de Tom Hardy. C'est d'ici, hein. Ils annoncent toujours des infos et on attend qu'on les attende. Ouais, mais en même temps, là, je pense qu'ils vont quand même rentrer dans une phase du film qui va quand même nécessiter qu'ils aient tout leur casting. Donc, plutôt que ça fuite, je pense que maintenant, ils ont compris. Ça serait bien. Donc bah voilà pour le côté ciné. Juste pour revenir sur Deadpool, on a vu une petite photo il y a quelques jours, vendredi je crois, une petite photo du masque qui était postée sur Twitter par Ryan Reynolds. Voilà, manière de marquer le coup un an pile poil avant la sortie du film. Voilà, ça fait plaisir aux fans. ce soir. Allez, on va passer à la partie télé maintenant. Et Elodie, tu vas nous parler d'Agents of S.H.I.E.L.D. Et oui, on a des news côté casting. Donc, Brea De Matteo. Désolée, je n'ai pas l'accent italien. Pour la plupart dans Desperate Housewives, The Soprano et Son of Anarchy. Donc, devrait rejoindre Agent of S.H.I.E.L.D. dans le rôle de Carla Faye Gideon, une femme qui s'associe avec Cal contre le S.H.I.E.L.D. C'est pas tout, Adrienne Palecki a été promue régulière dans la série. Ouais, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que moi j'aime bien son personnage. Donc, donc c'est cool de l'avoir un peu resté. On va en... Mockingbird. Ouais, donc voilà, dans le rôle de Bobby Morse et Mockingbird. Donc c'est sympa, en plus on verra certainement plus le duo qu'elle fait avec... ça y est, j'ai oublié son nom. Mac, c'est ça. Oui. J'aime bien le duo, ça fonctionne bien. Donc... Ah, tu parles de son... Ouais, de son mec. Fin de son... Non, c'est pas Mac. Ouais. Mac, c'est le Black avec qui elle compose. Oui, bah c'est l'autre alors. J'ai oublié son nom. Moi aussi. Moi, son ex-mari. Hunter. Si tu le dis. Il me semble que c'est Hunter. Si, c'est ça. On va rester sur Agents of S.H.I.E.L.D. Pour vous parler du synopsis officiel qui a été dévoilé cette semaine par Marvel pour le retour de la série qui aura lieu le 3 mars. Ça y est, l'attente touche à sa fin, il est grand temps. Donc un synopsis qui nous parle à la fois de l'épisode de reprise mais aussi un peu au sens large, j'ai l'impression, de tout ce qui va être développé sur cette deuxième moitié de saison. Et bah, franchement, ça fait envie. Oui. Je trouve. Première information de ce synopsis, c'est que Whitehall serait bel et bien mort. A priori, on n'avait pas trop de quoi en douter, mais là, au moins c'est confirmé. Il y a très très peu de chances qu'on le retrouve. On s'en doute également, Cal, donc le père de Sky, va chercher à se venger de Coulson, qui lui a volé son instant de vengeance justement sur Whitehall, puisque c'est Coulson qui s'en est débarrassé. Et du coup, il va s'allier avec Carla Faye Gideon, qu'on vient de dire. Voilà. On aura également Ward et l'agent 33. Donc l'agent 33, c'est l'espèce de, je sais pas comment dire, elle me fait penser à un cyborg, mais c'en est pas un, mais voilà. Oui, c'est l'agent l'espèce May. L'espèce défiguré. De sosie de May défigurée, voilà. Qui seront donc en tandem. On l'avait vu également à la fin de la saison, où Ward va avoir une espèce d'emprise sur l'agent 33, qui a l'air d'être une personne quand même assez fragile. Donc voilà, un nouveau tandem, on va voir ce que ça donne. Et puis, Raina et Sky, forcément, qui vont devoir faire face à ce qui leur est arrivé dans l'épisode final de la mi-saison, avec leur transformation. Et puis voilà, enfin plein de choses encore. On nous annonce que l'équipe va être complètement secouée par des révélations, qu'il y a peut-être encore des traîtres au sein du Shield, enfin. Ben, beaucoup de choses au programme, hein. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était le fait de voir le mot Inhuman dans le synopsis, mais bon, apparemment, c'était pas la première fois, donc. Désolé. Donc voilà. Ça vous fait envie, cette petite présentation? Ben, bien sûr, même sans, avec la saison 2 qu'on a eue, juste le retour, j'ai très très envie de voir ça. On a une petite vidéo aussi d'une trentaine de secondes, un spot de pub qui montrait quelques images, voilà, où on voyait surtout Sky en fait, qui... Ben, c'est elle qui va être vraiment au cœur, encore plus, parce qu'elle était déjà avant, mais encore plus maintenant. Qui a l'air de vivre vraiment très très très mal ce qui lui est arrivé. Bah, ben, vu comment ça s'est passé... Exactement. On va passer sur Constantine, qui s'est terminée cette semaine. Elodie, est-ce que cette fin a apporté de meilleures audiences? Oula, oula, oula, je pense qu'elle s'est terminée totalement dans l'indifférence. On peut dire avec ça, oui. 3,13 millions à 0,8 sur 49 ans. Il y a eu une légère remontée, on peut dire. Ouais, apparemment, ça fait 6% de hausse. Si elle est pas annulée, ça. Donc, si vous voulez un avis sur cet épisode de fin de saison et peut-être de fin de série, vous avez toujours le point DC TV sur le site comicstories.fr où Nib vous chronique cette semaine encore l'épisode de Constantine. Oh, le pauvre, il a tout regardé? Il a tout regardé, ouais. Il a été très consciencieux pour faire son point DC TV et il a regardé tous les épisodes de toutes les séries DC depuis le début de l'année et chaque semaine il les chronique sans faute. Donc, on peut l'applaudir. Je pense. Ouais. Parce qu'il y a Gotham et Constantine. Voilà, il y a Gotham aussi. Il y a Arrow qui n'a pas non plus été un plaisir à suivre toute la saison non plus. Enfin, voilà, je pense. J'ai de mauvaise langue. Cinemax maintenant. Cinemax a commandé une première saison pour Outcast, ça on le savait, on sait que maintenant ce sera une saison de 10 épisodes a priori. Donc Outcast, c'est une série de comics lancée par Robert Kirkman, donc le créateur de The Walking Dead. Cette série a été lancée en 2014, à l'automne 2014. C'est une série qui parle principalement de possession, d'exorcisme. Voilà. Une série comics très intéressante, donc je suis curieux de voir ce que ça peut donner sur une version télé. Ça m'intéresse bien. OCS, Arnaud, oui, qui a fait une annonce qui nous réjouit tous. C'est que tout le monde attend avec impatience. C'est Powers, donc adapté du comics de Bendis. Donc on a appris il y a quelques semaines que la série allait sortir sur PlayStation Network le 10 mars. Et la série sera aussi sur OCS, donc les chaînes d'Orange sur CanalSat et sur Orange, Free, tout ça. Donc pareil que PlayStation, les épisodes seront disponibles en VO sous-titré français le 10 mars. Donc comme PlayStation, ce sera d'abord les 3 premiers épisodes, puis un par semaine, à partir du 10 mars. Donc. Ouais, voilà. Bon, les fans, ou en tout cas les personnes qui étaient intéressées pour suivre cette série, voilà, savent maintenant qu'ils pourront le faire assez rapidement en plus. Donc. Et légalement, ouais, c'est ça. Voilà, donc ça permettra de peut-être de limiter le téléchargement, et encore, hein, parce que... Vu la série... Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de s'abonner à OCS rien que pour ça? Non, je pense pas. Ou alors, il faut m'expliquer. Pour le reste. Voilà, le reste, par contre, vaut le coup, ouais, ça c'est clair. On va passer maintenant que ces news sont faites au débrief de la semaine. Ça fait des mois qu'on vous promet qu'on va reparler de cette série. Ça y est, c'est le cas cette semaine. On va revenir sur The Walking Dead. En deux temps, on va d'abord se faire un petit récap de la première moitié de saison. Et puis on va après débriefer l'épisode de reprise, qui était donc l'épisode 9, qui a été diffusé dimanche dernier, le 8 février. Évidemment pour vous, il y aura un épisode de plus, le 10e, qui aurait été diffusé dimanche 15, mais on ne l'a pas encore vu. Première moitié de saison, qu'en dire? On avait parlé du premier épisode, qui avait très très bien commencé, qui nous avait plutôt emballé, je me rappelle, voilà. Après, il y a eu un petit ralentissement, on s'est arrêté, je crois, après le troisième épisode, donc on a quand même une grosse moitié de cette première partie dont on n'a pas parlé. Donc, est-ce qu'on était plutôt sur la lancée du premier épisode ou sur la perte de vitesse des deux et troisième? Perte de vitesse, clairement. Comme chaque saison, il y a des bons épisodes, des moins bons. Chaque saison, en fait, c'est en dents de scie. Un coup, tu vas avoir deux bons épisodes, trois mauvais, un très bon, un passable, enfin, c'est très inégal. Et bah, après un très bon retour, les deux trois épisodes qu'on suivi étaient pas mal, plutôt intéressants, et ça s'est très très vite essoufflé jusqu'à devenir très ennuyé avec un rallongement de l'intrigue vraiment vraiment ennuyeux, jusqu'à arriver à un final faut le dire, chiant, sans émotion, et le cliff qui n'en est pas un, et donc on se fout royalement. Alors j'entends Elodie qui peste. Ah non, mais là c'est quand même... Il y a un petit peu de mauvaise foi inside, j'ai l'impression. Oh, d'accord. Non, j'ai dit que c'était bien le début. Oui, mais il n'y a quand même pas que le début. Tout n'est pas à jeter sur la suite non plus. Elodie? Ah voilà, c'est ça, tout n'est pas acheté. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes choses. En effet, bon, bah, on n'a rien eu qui était du niveau du premier épisode. Hein. Ça, on est d'accord. Après, moi, même le 2 et 3e n'étaient pas si ouf que ça. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intrigue avec les cannibales et tout qui étaient revenus. Oui, c'était très sympa. Ça. Enfin, c'était plutôt bien fait. C'était assez fidèle à ce qu'on avait vu dans les comics. Donc, non, c'était plutôt cool. Ouais. Ce qui est dommage, par contre, c'est que bah, ça a duré trop peu de temps. Enfin, voilà, direct, ils sont morts, ils les ont tués. Grosse ouais, mystique. Ça aurait pu nous conduire sur la première moitié de saison en développant un peu plus, oui. Voilà, après, bon, il y a eu quelques temps morts, voilà. Donc, comme d'habitude, les groupes se divisent. Un épisode, on en suit un, d'autres épisodes, on suit les autres. Ouais. Et il y a une partie qui partait à Washington pour trouver... remède avec Eugène. C'est dommage parce que ça aurait été une bonne intrigue vraiment, s'il y avait vraiment quelque chose, un vrai remède, enfin voilà, un vrai but à la série que autre que de survivre, et voilà, ça aurait été pas mal. Et pareil, ils ont détruit le truc trop rapidement, quoi, j'ai trouvé. Donc, bon, après, il fallait bien trouver une excuse pour tous les réunir à nouveau. Hein, mais... Oui, voilà, et puis de toute façon, quand on suit le comic The Walking Dead, on sait bien que de toute façon, le seul but, c'est la survie, et qu'on ne pourra pas enrayer ça. Et voilà, il y avait peu de chances que la série télé parte sur un autre registre concernant voilà, l'épidémie. je le voyais peu probable, donc il était peut-être aussi temps d'arrêter ça et de faire croire à quelque chose dont on savait très bien que ça n'arriverait pas. Tu savais parce que tu lisais les comics. Moi, j'avais de l'espoir encore. Ah, bah oui. Mais pareil, toute la nouvelle dynamique qu'il y avait avec Bess, autour de Bess et de l'hôpital. J'ai bien aimé, moi, ce passage sur l'hôpital. L'épisode où on a rencontré Noah, notamment. Et ça changeait. Moi, je trouvais que ça changeait. Mmh. C'était une nouvelle dynamique, c'était différent. Alors, tout n'était pas parfait non plus, mais voilà, il y a eu quelque chose de nouveau qui n'était pas dégueulasse. Non. Je trouvais que la fin de saison était... Voilà, c'était pas extraordinaire, mais c'était pas mauvais non plus. Hein. C'était. Bah, disons que l'épisode de mi-saison, là où je rejoins Arnaud, c'est que c'était quand même assez ennuyeux sur une bonne grosse première partie, on va dire les deux premiers tiers, et puis la fin où effectivement, il faut nous tenir en haleine pour la trêve hivernale. Donc là, tout part dans tous les sens et ça se termine évidemment par de manière tragique, comme on pouvait s'en douter, parce que c'est souvent que la mi-saison est tragique. Il n'y a pas d'émotion, hein. Tu sais, quand tu vois Laurel qui est par terre en train de pleurer quand elle voit sa sœur. Alors après, il y a effectivement un peu d'émotion et tout, mais c'est vrai que ça m'a rien fait ressentir. Enfin, j'étais. C'était Bess. Oui, c'est pour ça. J'ai été complètement en dehors de ça, en fait. Autant les autres disparitions, voilà, ont quand même fait réagir, autant celle-ci. En fait, le problème, c'est que le personnage, on s'en fout pendant 4 ans. Et là, elle arrive, on lui donne une certaine importance dans la saison 5. Oui, ils l'ont mis un peu artificiellement en avant et ça fonctionne pas. Du coup, tu te doutes qu'il va se passer des choses, peut-être pas sa mort, mais qu'il va y avoir beaucoup de choses autour d'elle. Et du coup, après, au final, sa mort, on essaie, comme tu disais, oui, artificiellement de nous faire ressentir de la peine pour elle alors qu'on n'a eu rien à foutre pendant 4 ans. Ce passage sur l'hôpital, toi, Arnaud, ça t'a pas... Bof, déjà j'aime pas le personnage de Beth, j'aime pas le jeu d'actrice, donc c'était assez difficile à... Tu vas adorer dans en haleine. Ouais. Ah oui. Et le problème, enfin, déjà je m'en apercevoir en vous écoutant discuter, ce que je trouve assez énervant dans The Walking Dead, c'est que les scénaristes donnent l'impression qu'il y a que le groupe de Rick qui garde une certaine moralité, un certain code, et que tous les groupes qu'ils rencontrent c'est des psychopathes, des tueurs qui veulent bouffer les autres parce qu'ils veulent survivre, qu'ils instaurent une sorte de régime dictatorial. Enfin, t'as l'impression que tout le monde est méchant sauf le groupe de Rick. Le groupe de l'hôpital, ça pourrait très bien être le groupe de Rick. Il y a quand même à un détail près, quoi. Enfin, là, elle règne elle règne sur l'hôpital et elle fait très attention à ce que les autres font. Ils ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Les autres veulent prendre sa place. Ils sont prêts à s'entretuer. Oui, mais ils après, ont tu plus sais. Ou moins peur de l'un de l'autre. Je pense aussi que c'est une question de point de vue. Effectivement, on suit le groupe de Rick depuis le début, donc ils nous paraissent du bon côté, plutôt sains, etc. Mais si tu réfléchis bien à tout ce qui s'est passé depuis le début et à certaines choses qu'ils ont dû faire, ils sont quand même pas non plus, tout blanc, quoi. Mais oui, mais tous les autres qu'ils rencontrent, à chaque fois, il n'y a pas d'autres groupes qui est plus ou moins, enfin, ils sont, comme tu dis, le groupe de Rick n'est pas gentil, parce que rien que Carole qui a tué les deux. Voilà, autres, elle a quand même brûlé deux mecs. Oui, certes, mais quand tu regardes les autres face à eux, c'est toujours soit des cannibales qui veulent les tuer pour les manger, les tuer pour récupérer leurs armes, les tuer pour récupérer leur bouffe, les tuer pour récupérer la prison. Il n'y a pas un autre groupe qui est, comment dire, qu'il y a un autre groupe qui soit à peu près à leur niveau à eux, qui font ce qu'il faut pour survivre, sans non plus vouloir tuer tout le monde et avoir tout pour eux. T'as tort, je sais pas si c'est assez clair. T'as tort, Arnaud. Parce que si tu regardes maintenant le groupe de Rick, comment il est constitué, la plupart, même je dirais la moitié, voire plus, n'étaient pas là à l'origine. Ils ont récupéré des gens qui étaient d'autres groupes. Mmh. Oui, mais c'est des gens qui appartenaient à des groupes. Justement, c'était des gens qui appartenaient à des groupes qui leur correspondaient pas, c'était des groupes. Et Tyrese et sa sœur? Bah, ils étaient avec un groupe qui tuait n'importe qui. Ah bon? Après, si tu. Je pense par exemple au groupe de l'hôpital, hein. Si c'est un groupe qu'on avait suivi depuis le début de la série au lieu de suivre le groupe de Rick, je suis pas sûr qu'on les trouve vraiment mauvais. Je sais pas. Je pense que c'est vraiment. C'est le jeu de l'actrice qui était. Oui, peut-être, mais. Je sais pas. Enfin, là, juste à vous entendre parler, vous avez reparlé de l'hôpital, reparlé des cannibales, je me suis dit, mais en fait, il n'y a jamais un groupe similaire à celui de Rick, c'est toujours des psychopathes en puissance ou... Enfin, c'était juste la réflexion que je me suis faite là, il y a 5 minutes. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à raconter si on rencontrait un groupe comme celui de Rick ou un peu avec la même moralité, entre guillemets? Je pense pas. On pourrait s'associer avec eux. Oui, mais essayer ouais. De... Bah oui, puis après. Bah, de défoncer les autres. Oui, après, c'est un groupe plus gros et voilà. Mais après, ça regarde, reste. Regarde, si, il y avait tout le groupe quand ils sont arrivés à la ferme. Le groupe d'Herschel, ouais. Herschel, ouais. Ouais. Et du coup, ils ont fusionné aussi, effectivement. Bon, bah, ils ont été un peu décimés depuis, mais. Mais voilà. Ouais. C'est vrai, il y a la ferme. Bien, voilà pour la première partie de cette saison. Maintenant, on va revenir en quelques minutes sur l'épisode du retour, donc l'épisode 9. J'ai pas fait gaffe aux audiences, je vous avoue. Je sais pas du tout ce que ça a donné. Alors, les audiences, ça reste excellent, c'est The Walking Dead. Alors, si je veux en détail, ça fait 15,6 millions. Ok. Et 8% sur le 18-49 ans. C'est quand même assez énorme, mais c'est sans doute aussi poussé par Better Call Saul, qui était juste après, je crois. Ouais, mais c'est pas un record. C'est plutôt Better Call Saul qui était poussé par... Mais c'est pas un record, parce que... Je faisais pas des audiences comme ça. Non, bah non. Et puis en plus, Better Call Saul était exceptionnel. Le pilote était exceptionnellement diffusé après The Walking Dead. D'accord. Parce que sa case horaire, c'est le lundi soir. Ok, ouais, c'était donc bien pour pousser. Mais okay. c'est pas un record d'audience pour The Walking Dead. Oh, bah non, mais bon, voilà. Mais quoi. Ça reste excellent. Voilà. Je pense que n'importe quelle chaîne signerait... C'est la première série sur le câble. Et tout network c'est clair, même network confondu, parce que peut-être NCIS et Big Bang peuvent se concurrencer, mais même pas sur le taux. Sur le taux, non. Un taux de 8, c'est quand même... C'est la première. c'est incroyable, un taux de 8, et en plus, le faire régulièrement dans la saison, presque chaque semaine, c'est incroyable. C'est énorme. Alors, cet épisode de reprise, Élodie. Vas-y, écoute-toi, Arnaud. Non, parce que je sais ce qu'il va en dire, hein, je le connais, l'animal, donc vas-y, commence, Élodie. Alors je trouvais que l'épisode était plus ou moins divisé un peu en deux parties. Ouais. Une première partie qui était vraiment vraiment ennuyante, hein, on va pas se mentir. Bon, maintenant on a spoilé toute la première partie, on peut spoiler aussi là. Ouais, oui. À partir du moment où Tyrese se fait mordre, voilà, ça prend un peu plus d'ampleur, il se passe des choses, enfin il se passe des choses relatives, mais au moins on a envie de savoir qu'est-ce qui va lui arriver. J'ai beaucoup aimé la forme de l'épisode, sa construction. Le début, on pense qu'il parle de Bess, de son enterrement, tout ça. On se rend compte qu'à la fin que tout concernait Tyrese. Est-ce que c'était utile de faire mourir un personnage là, à la reprise, alors que dans l'épisode précédent, on a eu déjà un mort du groupe? Je pense pas. Je pense que là, ça arrivait trop tôt. Je pense que dans ce cas-là, même si je faisais mordre, peut-être il lui coupait le bras, ils attendaient quelques épisodes avant de le faire mourir. Enfin, trop facile. C'est ça, c'était... De lui couper le bras et qu'il s'en sorte. Et c'est bon, on leur coupe tous un membre et ils s'en sortent. Il y a un moment où il faut qu'on ait un qui en meurt de cette morsure. Et c'est très bien, je trouve. Oui, mais bon, je trouve que ça arrive trop tôt dans la saison, alors que Bess est mort dans l'épisode précédent. Quoi. C'est la preuve que Bess, on n'en a rien à battre. Exactement. Je trouve que Tyrese, c'était pareil, c'était sans émotion, là. Il y avait... J'ai été plus touché par l'épisode de Tyrese que parce qu'il arrive à Bess. C'est un peu kiff-kiff, les deux. Et puis, c'est tous ces retours. Alors, ça faisait extrêmement plaisir de revoir les anciens personnages. Oui, belle surprise. Mais pourquoi? Pourquoi pour Tyrese? Parce que c'est des personnages avec qui il a eu à chaque fois quelque chose et... Franchement, je trouve que pas spécialement. Enfin, surtout genre le gouverneur et tout ça... C'est pas pour lui que j'aurais ramené le gouverneur, quoi. Pourquoi pas? Enfin, pour moi, ça m'a fait plaisir de le revoir, donc pourquoi pas. Voilà, après, c'est un plaisir de les revoir. Arnaud? Si, je suis d'accord avec Elodie, le montage était vraiment très intéressant dans l'épisode. Le fait de voir au début l'enterrement, on croit que c'est la suite directe du final de mi-saison, et c'est après qu'on comprend qu'en fait c'était un flash-forward et que c'est l'enterrement de Tyrese, c'était bien fait. C'est vraiment intelligent de faire un montage, ça change de la narration des épisodes habituels. Par contre, le fait de ramener d'autres morts comme les deux gamines, hein, ou le gouverneur et les autres dont j'avais totalement oublié l'existence, hein, c'était aussi un processus intéressant, mais qui aurait été mérité d'être utilisé pour un autre personnage, pour un personnage plus important que Tyrese, Parce qu'au final, la mort de Tyrese, comme Beth, j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu. Bon, il avait plus d'importance. Il avait plus d'importance que Beth. Parce qu'on voyait plus. Il avait plus d'interaction avec les autres personnages. Il faisait plus pour le groupe, hein, que Beth. Donc sa mort, sans dire qu'elle touche vraiment, que j'ai ressenti des émotions, c'était quand même plus touchant que la mort de Beth qui était plus artificielle. Mais après, le fait d'utiliser ce schéma narratif avec les hallucinations, j'aurais préféré voir ça pour un autre personnage plus important, genre Rick, par exemple. Parce que, oui. Très bien. J'aurais préféré voir ça parce que, en fait, c'est une cartouche qu'ils peuvent utiliser qu'une seule fois. Et je trouve que c'est dommage de l'avoir utilisé pour Tyrese. Alors certes, ça lui donne plus d'ampleur au personnage, ça donne plus d'ampleur à sa mort, parce que tuer le personnage juste après la mort de Beth, ça aurait pu paraître presque anecdotique, tu sais, une mort suivie d'une autre mort, et puis une autre mort, bon, c'est The Walking Dead, tout le monde meurt. Là, utiliser ce processus, ça lui donne une certaine importance. Pourquoi pas? Mais j'aurais préféré qu'il garde cette cartouche pour un autre personnage. Après, moi je suis content qu'il ait fait pour Tyrese, justement. J'ai adoré l'épisode, donc je le dis tout de suite. Je suis C'est content le qu'il. premier que j'entends dire ça. Moi, quand j'ai vu Glenn prendre une batte de baseball dans la main, en tant que lecteur de comics, bah, ça m'a fait quelque chose quand on connaît le destin de Glenn dans la bande dessinée. Le fait qu'il prenne cette batte dans la main, ça, voilà, c'est un clin d'œil à ce qui lui arrive dans les comics, et c'est une manière, je pense, de dire ça lui arrivera pas dans la série. Donc du coup, ça m'a fait, voilà, ça m'a fait quelque chose de le voir avec cette batte dans la main. Quoi d'autre? La réalisation, ouais, la manière dont l'épisode était fait, c'est une ambiance complètement différente, et du coup, j'y suis allé un peu à reculons voir cet épisode de Walking Dead, où je me suis dit, oh, on va encore chialer sur Bess pendant, voilà, et en fait, pas du tout, et on est embarqué dans un truc complètement haut, dans une ambiance qu'on a encore pas vue sur la série, et donc ouais, c'est une cartouche, effectivement, qu'on n'utilise qu'une fois, mais moi, à contrario, je pense que c'était le bon moment pour le faire, et Tyrese, on s'aperçoit, finalement, que, bah, quand on voit tous ces morts, là, qui font revenir, tous ces morts, ils ont quelque chose par rapport à lui. Et bah, on voit en fait que bah, peut-être c'est un personnage auquel on ne prêtait pas attention, mais il était bel et bien là, il a vécu énormément de choses, il a participé à énormément de choses dans le groupe de Rick, et c'est une mort qui va vraiment impacter le groupe. Et c'est un bel hommage au personnage, trouvez-moi. Bah, tu dis que là ils ont un personnage de plus, un personnage fort entre guillemets, qui est mort. Un Ben, personnage en fait, important pour leur c'est un survie. personnage qui était fort, mais je pense qu'on s'en rend vraiment compte avec cet épisode. Moi, je suis un peu sceptique. Si, parce que d'habitude, enfin, il n'a pas de grandes intrigues Il est là, de... il a vécu plein de choses depuis le début avec eux, Oui. Et par et il exemple, est. Plus, c'est depuis la saison 3. Hein. Ouais, bah ça fait quand même avec un sacré l'intrigue bout avec de les temps. gamines, il était là, mais on prêtait plus attention à Carole. Ah voilà, alors qu'il Mais il était était là. là en fond, oui. Il Mais a. c'est Il ça a. le souci, c'est que c'était peut-être un personnage important disons, dans le décor, dans la série, mais c'était pas non plus un personnage central, et du coup, utiliser ce processus unique, c'était, certes, ça le met en valeur, lui, ça met en valeur sa mort, mais j'aurais préféré garder ça pour un personnage, pour le coup, principal, vraiment, qui est vraiment mis en avant. Ça justifiera peut-être l'impact que sa mort aura sur le groupe, parce que peut-être que s'il n'avait pas fait ça, on ne serait pas rendu compte à quel point il est important pour le groupe. Peut-être, oui. On va voir, hein, sur la suite. Donc voilà. Pareil, les voir arriver dans cette ville, etc. Bah ça m'a rappelé une autre ville. Enfin voilà, avec un mur d'enceinte autour, etc. Et je me disais, ah ça y est, on arrive à ce moment-là des comics. Et en fait, a priori, pas du tout. Donc voilà, c'est un épisode, je pense que. Qui était surtout appréciable par les lecteurs de comics avec plein de petites choses comme ça. Revoir le gouverneur, encore une fois cette batte de baseball qui revient plusieurs fois dans l'épisode. Voilà, il y avait plein de petites choses. Donc du coup, ouais, ça. Et puis le fait qu'il soit différent. C'est vraiment ça qui m'a plu, c'est que voilà. On nous a proposé autre chose, on est sorti de la routine, un peu des codes de la série, et on nous a proposé autre chose, donc c'était agréable. Donc Donc j'irai voilà, moins à tout n'est pas reculons voir la semaine. négatif dans ce que j'ai dit. Comment? Tout n'est pas négatif dans ce que j'ai Non, c'est vrai, dit. c'est T'as vrai. été gentil d'ailleurs, je trouve, hein, par rapport à ce que tu m'en as dit en sortant. Ouais, c'est parce qu'il a pris du recul depuis. C'est ça. Voilà, bah pour ce retour de Walking Dead, moi qui m'a bien plu, et j'irai moi à reculons voir le prochain, qui du coup me décevra. Ou pas, apparemment, ça c'est du lourd là. Bah oui, parce que la période gouverneur est quand même passée depuis un petit moment maintenant, et il serait temps de passer à la période prochaine, et je l'attends de pied ferme cette période, donc il serait temps d'y passer. Cette période devrait bientôt arriver. Ben j'espère, parce que moi les avoir vus dans cette arrivée dans cette ville, etc. Il me manquait plus qu'un ou deux éléments pour me dire ah ça y est ils sont là, mais en fait non, tout le monde était mort. Après juste là ils veulent se diriger vers Washington. J'espère juste qu'on va pas avoir toute une deuxième partie de saison où on va aller voir se diriger vers la ville avec des obstacles au milieu. Non mais c'est du déjà vu quoi. Ah d'ailleurs quand j'ai vu cette voie de chemin de fer, je me suis dit ah oui c'est vrai. C'est The Dead, ils ont passé une demi-saison à suivre des rails. Voilà, donc là, ils vont passer une demi-saison à faire 160 km. Non, pitié, non. Non, je pense que quelque chose va les faire... changer de... leur faire faire demi-tour. Ah, bah, en même temps, c'est déjà ce qui se passe, ok. Parce que celui qui voulait aller à Washington... Mais c'est Michonne. C'est Tyrese. Non, c'est Michonne. C'est pas avec Tyrese qu'ils ont un débat à un moment? Ah non, c'est avec Michonne. C'est Michonne. Ah ouais. Ah ouais, bah pour moi c'était Tyrese, ok, bon bah ça casse ce que je pensais. Merde. Bon, on verra bien, de toute façon, on reviendra sur la série une fois que la saison sera terminée, hein, parce qu'il reste 7 épisodes, on va laisser la saison se terminer, et puis on fera un bilan de cette deuxième partie, un bilan général, parce que de toute façon on est quasiment les trois seuls à regarder cette série parmi toute l'équipe, donc voilà, on va pas... On se refera un plan à 3 alors. Voilà, c'est ça. Coucou Clément. Bien, et bien, on a terminé de ce débrief de The Walking Dead et donc de cette troisième émission de Sur nos écrans. On vous donne les rendez-vous de la semaine rapidement. Donc samedi, on se retrouve pour le troisième numéro de la Padawan Edition qui s'intitulera Marvel 75 ans d'histoire. Mardi prochain, on se retrouve avec le mag numéro 4. Et puis dans une semaine, jeudi prochain, sur nos écrans numéro 4 avec l'actu ciné-télé et le débrief de la semaine. D'ici là, bonne série, bonne lecture et à bientôt. Salut.